suis pas ce qu'on pourrait appeler un playboy. Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler une idole. Les filles ne sont pas à mes pieds pour les tomber. Je vais au ciné, mais ce soir, relâche. Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un mec. Je ne marche pas en déballant ma barricade. J'ai mon idée sur la question, pourtant je ne suis pas un miné, mais ce soir j'y pense. C'est pas facile d'avoir le style pour chanter disco. Je voudrais comprendre, laisse-moi apprendre à chanter mélo. Rétro, dino. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, tu es ma vie. Je te trouve si jolie, allongé sur le lit, Choubidou la nuit. Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un croon. J'ai tout au plus quelques allures de rocker. Toi tu voulais que je sois grande star, un monument, ce soir. Musique. C'est pas facile d'avoir le style pour chanter disco. Je voudrais comprendre, laisse-moi apprendre à chanter mélo. Rétro, dino.